Tu vois, Chi, c'est ici qu'on achète toutes les choses indispensables à un otaku. Oh, t'es moi d'un doute, ça vient d'où ce nom de rue? La rue des pervers, c'est une rue avec plein de geishas. À vos souhaits. Une geisha est une demoiselle habillée en costume traditionnel japonais et est destinée à faire de l'art. Quelle sorte d'art? De la musique, par exemple, ou encore la fameuse cérémonie du thé. On dit qu'elle pourrait stopper un homme d'un simple regard. Je crois que je viens de comprendre. En tout cas, c'est très typique ici. Ils ont voulu reproduire l'ambiance du Japon de 1800. Passionnant. Je fais comment pour payer les fournitures, au fait? Ah oui, ça m'était sorti de la tête. Bon, alors comme tes parents sont morts et que tu es orphelin, tu ne dois pas avoir un rond. On va devoir se débrouiller autrement. Mais j'ai juste assez pour t'acheter un cadeau d'anniversaire, je ne t'ai pas oublié. Merci, c'est sympa. Mais ne me dites pas qu'à Jobar, on est obligé de s'habiller en kimono. Ça, c'est obligatoire. Mais ne t'en fais pas, on va t'en choisir un qui ira avec tes yeux. Ouais, ouais. Attendez une minute. Mes parents sont morts? Oh, regarde ça, Chi, un combat de rue. Mais alors, ça veut dire que je suis orphelin? Tiens, Chi, voilà 100 yens. Fais un pari au type qui se frotte les mains là-bas. Salut Monty, alors tu veux faire un pari? Choisis lequel? Dépêche-toi, ça a commencé. Hein, quoi? Ben, 100 yens sur le rouquin à la cicatrice en forme de croix. Au pif. T'es fou! C'est qu'un simple vagabond. Tu sais pas qui c'est l'autre? Sanosuke Sagara, mercenaire. Rien à foutre. J'hallucine! Sagara vient de se faire exploser! Nom de nom, mon petit, tu viens de remporter tout le fric des paris. Sérieux? Mais alors je suis riche? Regardez ça, Harry, j'ai gagné un paquet de pognon! C'est bien, Chi, allons mettre ça à la banque tout de suite. Bonjour! Vous voulez ouvrir un compte joint? Un jour, peut-être. Pour l'instant, on vient déposer l'argent de Monsieur Poa. Le professeur Dumbanawa m'a demandé de retirer également ce qu'il y a dans le coffre 713. Ok, tenez. Un pacemaker? Ah, il faudra que tu n'en parles à personne quand tu seras à Jobar. Prends un peu d'argent et on va t'acheter un kimono maintenant. D'accord, Reed. Dites, j'ai une question à vous poser. Vous voudriez pas devenir mon nouveau papa? Ben, c'est-à-dire que... Ah, voilà le magasin de Madame Chilure. Ah, encore un qui va à Jobar. On n'a plus rien en stock. Voyons, vous n'auriez pas un petit quelque chose tout de même? Tout ce qui me reste, c'est un vieux kimono rouge et blanc tout rapiécé. On prend. Et vous pourriez me demander mon avis quand même. Maintenant, il faut que tu ailles chez Oniwaban. Il vend le truc le plus précieux des otaku. Je n'y suis pas entré depuis au moins 40 ans, il a dû prendre un sacré coup de vieux. C'est noté, mais dites-moi, Harit, je pourrais pas m'acheter autre chose avant? J'ai plein de thunes à dépenser. Comme quoi, par exemple? J'ai remarqué un vendeur de poupées par là-bas. Tu vis mal ta puberté? Hein? Non mais attendez, je suis pas fou, j'ai vu des poupées qui jouent au foot sur un écran plat. Plutôt anachronique, entre guillemets. Oh, tu parles de ça? Oui, ça marche par onde cérébrale, très apprécié par les otaku. Enfin, tu comprendras tout à Jobar. Dépêche-toi maintenant, on n'a pas toute la journée. Regarde, c'est le nouveau Plexus 2000. Alors Oniwaban... Ah, j'y suis. Oniwaban Ninja, de père en fils, depuis moins de 100 ans, j'y sais Van Damme. Ah, monsieur Poa, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu. Salut, dites, vous ne deviez pas être vieux? J'ai 92 ans. On enseigne la technique pour ne pas vieillir, à Jobar? Je l'ai apprise en méditant sous une cascade pendant 10 ans. Ouais, c'est quoi au juste le truc le plus précieux des otaku? Un bandeau de ninja. C'est tout, mais c'est naze! Ça ne se porte pas forcément sur le front. Bon alors, filez-moi ça et qu'on en finisse. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont entrés dans la boutique pour acheter leur premier bandeau. Ah, essayez celui-ci. Bandeau bleu, fréquent, avec une feuille gravée sur la plaque de métal, à mettre sur le front. Il est moche. Très bien, alors peut-être celui-ci. Bandeau noir, avec un sablier gravé, très classe à porter en serre-tête. Mais alors, ça veut dire que je suis orphelin ? Ravive des mauvais souvenirs, ça ne va pas. Je me demande si... Tenez, essayez celui-ci au bras droit. Étrange, vraiment étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Je me souviens de chaque bandeau que j'ai vendu, monsieur Poa. Il est étonnant que celui qui vous est convenu porte exactement le même signe qu'un seul autre bandeau. Bleu nuit avec l'idéogramme du mal en japonais. Pas mal, ça a de la gueule. Et donc, qui était cet homme? Son nom? Personne n'arrive à le prononcer. Mais il a fait des choses... Terrible, certes, mais somptueuse. Joyeux anniversaire, Hachi. Vous m'avez acheté un ordi portable ? Enfin, un truc utile. Tu pourras m'envoyer des emails comme ça. Ouais, on verra. Dis, Tarit, vous pouvez signer ça ? Bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un certificat d'adoption. Oh, ça va, je peux essayer quand même. Bon alors, Reed, vous allez enfin me raconter mon passé ? Voyons voir les modalités de l'adoption. Non, cette fois, vous allez m'en parler. Plus question de vous défiler. Très bien, très bien. Quand tu avais un an, un otaku qui avait très mal tourné t'a kidnappé puis t'a violé. Mais c'est dégueulasse ? Non, je déconne. En fait, il a juste tué tes parents et t'a implanté une puce électronique dans la tête. Ah, je préfère ça. Et il s'appelle comment, ce dégénéré ? Bon, il s'appelle... Il s'appelle Woru... Vous pourriez peut-être l'écrire ? Non, je me suis foulé le poignet en faisant de la robotique. Enfin bref, c'est tellement chaud à dire qu'on l'appelle celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Ou encore, tu sais pas qui. Fascinant. Bon, allez, demain tu te lèves tôt, alors va te coucher. Ok, d'accord. Faudrait me lire une histoire, s'il vous plaît, Arid ? Nous y voilà, Hachi. Ok. Au fait, il me faut pas indiquer... Ah si, attends, il doit être quelque part dans mon manteau. Les passagers du vol 1219 en direction du QG de la marine sont priés de bien vouloir embarquer. Attention, s'il vous plaît. Nous rappelons que les chapeaux de paille sont formellement interdits pour des raisons évidentes de sécurité. Merci. Ah voilà, je me disais bien que je l'avais quelque part. Soit dit en passant, fais le désinfecter. C'est noté. Alors voyons ça... Le vol du matin à 11h précise. Oh bon, ça va, je suis à l'heure. Blablabla, chapeau de paille interdit, place assise dans un compartiment. Bah là, je comprends pas bien. À la limite, bon, qu'il y ait des classes 1, 2 et 3, ok, mais des compartiments. J'ai pas raison, Arid ? Arid ? Bah, vous êtes où ? Super sympa, hein, il me laisse en plan comme ça. Il aurait pu me porter mes bagages. Il est pas payé pour ça ? Bref, je dois trouver le Galaxy Express 999. Ah, il y en a marre de tous ces trucs d'art là. Excusez-moi, monsieur, où se trouve le vol numéro 999, s'il vous plaît ? Je ne sais pas ! Allez, pitchounouloute, on avance ! C'est bien, ma veine. Il est où, ton sac Bob l'éponge ? Bon, c'est ici, le vol 999. Wade, Warge, à votre tour ! Mais maman, je t'ai déjà dit que c'était moi, Warge, et lui, Wade. Oh, ça va, la prochaine fois, je coupe une oreille à l'un d'entre vous. Comme ça, ce sera plus facile pour vous reconnaître. Oh non, tu m'as déjà pété le bras hier. Merci, à toi ! Excusez-moi, madame, comment on fait pour... Hey, ça va ? Débrouille-toi, gamin. J'ai 4 gosses à m'occuper, en plus de la plus jeune Winnie. Toi, dans 6 ans, tu passes à la casserole. De quoi ? Non, je dis qu'il me faudrait une boussole. Alors comment qu'on fait pour y aller au Galaxy Express, madame ? Un peu de respect, gamin. Je m'appelle Wooly. Tu passes le portique de sécurité comme tout le monde. Maintenant, bouge ! Ok, j'attends. One ! Je te préviens ! Tu loupes le vol ! Je t'envoie à la mine ! J'y vais. 4 ans sans voir la lumière du jour, ça m'a suffi, hein, je t'assure. Bon, c'est à moi... Posez vos bagages sur le tapis roulant. Vous avez quelque chose à déclarer ? Ouais, je suis orphelin. Passez le portique, maintenant. Retirez tout ce qui peut être en métal sur vous. Porte-clés, montres, explosifs, etc. Attendez, j'ai plus rien du tout de métallique sur moi. Notre politique, c'est délit, punition, expéditif. Oh, mais j'y pense, il y a un taré qui m'a implanté une puce électronique dans le cerveau. Ça peut jouer, peut-être ? Mettez votre tête dans ce scanner. D'accord. C'est exact, mais ce n'est pas dangereux. Vous pouvez passer. Merci. Attendez, pas dangereux pour qui, s'il vous plaît ? Pour les passagers. Vous, vous crèverez dans quelques années. Mais si vous préférez, je peux abréger vos souffrances. Vous sentirez juste un léger souffle qui vous traversera la tête de part en part. Ok, c'est très rassurant. Enfin, le Galaxy Express 999, c'est vraiment pas simple d'y arriver. Mais en fait, c'est un train. Et ils comptent nous emmener au Japon avec ça. Oh, et puis au point où j'en suis. Compartiment vide, hop là. Bienvenue sur le vol 999 en direction de Jobar, l'état des otaku. Le départ se fera incessamment sous peu. Nous recommandons aux passagers ayant des problèmes de digestion de bien vouloir se regrouper dans le compartiment 14. La vache, mais on vole ! Excellent ! Salut. Dis-moi, je pourrais m'asseoir ici ? Avant, j'étais au compartiment 14, mais... C'était un peu difficile de tenir. Non, dégage. Ah bah tant pis. Mais non, j'éconne, ramène-toi. De toute façon, j'ai pas le choix. Dans les bouquins, tu deviens mon meilleur ami et tu m'aides à sauver le monde à plusieurs reprises. Mais de quoi tu parles ? Laisse tomber. T'appelles comment ? One. One ? Bizarre comme nom. One comment ? Wanted. Moi, c'est Hachi. Hachi Powa. Sérieux ? Le vrai ? Mais alors, tu as vraiment la... La cicatrice ? Bah ouais, regarde. Non, je parle de la puce, elle est vraiment dans ton cerveau ? Ouais, il paraît. Dément ! Mais alors, c'est vrai ce qu'on raconte, que tu es une marionnette à qui on a redonné la vie, créée à base de corps humain en décomposition, et dont on a dû implanter des composants électroniques pour alimenter les fonctions cérébrales ? Non. Du moins, si c'est le cas, ça expliquerait mes problèmes d'odeur sous les aisselles. De la maman, de la friandise ! On prend le tout. Direct, comme ça ? Mais normalement, je devais te montrer mon sandwich pour que tu vois à quel point je suis pauvre. Désolé, allez, mange. Merci. C'est quoi les dragées surprises de Bertrand Couillu ? La surprise, c'est le prix que tu dépenses. À chaque dragée, ton portefeuille s'allège d'une pièce. Wade m'a dit qu'un jour, il a perdu un billet de 20 livres. Bah dis donc, je vais peut-être éviter. Et qu'est-ce que c'est que la choco-tambouille ? Je te conseille d'éviter d'y goûter. Par contre, dans chaque paquet, il y a une carte de mangaka célèbre. Les mangaka, les auteurs de manga, c'est ça ? Oh, j'ai eu Akira Toriyama ! J'en ai au moins 6 de lui. Par contre, si tu trouves Yoshihiro Togashi, préviens-moi, il est super recherché. Vous n'auriez pas vu un lecteur MP3 ? Un garçon qui s'appelle Sénil a perdu le sien. On t'a donné une invitation pour venir ou t'es juste là pour nous saouler avec une histoire dont tout le monde se fout ? Bah, je... Ouais, il a raison. Pourquoi il n'y va pas lui-même d'abord ? Et tu pourrais te présenter. Je m'appelle El Mitton John, mais on me surnomme Mitton. Tu m'étonnes. Nom d'une galette de riz ! Tu es Hachipoa ? Lui-même. C'est parti, on va se la trimballer toute la nuit. C'est vrai ce qu'on raconte ? Il paraît qu'on t'a intégré un régulateur de chaleur directement dans le corps parce que tu as été brûlé à vif à l'âge de 1 an. Mais qui invente tous ces trucs ? Vous feriez bien de mettre vos kimonos. On va bientôt arriver à Jobar. Ce fut un voyage rapide. En parlant de ça, mes bagages doivent être dans la soute. Va me les chercher, Wan. D'accord, Hachi, j'y vais tout de suite. Au moins un qui peut s'avérer utile. Ah, te voilà, Hachi. Arid ? Mais comment vous avez fait pour être plus rapide que le train ? En fait, j'étais dans le premier compartiment et je suis descendu il y a à peine 2 minutes. Je me disais aussi. Et pourquoi vous êtes parti tout à l'heure quand je parlais à l'aéroport ? Ben, il y avait une blonde qui me faisait de l'œil... Allez, tout le monde embarque dans le yacht. Et après, direction Jobar, l'école des otaku. Pourquoi c'est encore lui qui a la réplique de fin d'épisode ? C'est moi le héros, normalement. Direction Jobar, l'école des otaku.